Un enfant à son frère. Qui m'a couvé 9 mois dans son sein gros d'alarme? Qui salua ma vie avec des pleurs joyeux? Qui sous ses longs baisers éparpillait mes larmes? C'est ma mère, une mère en ses bras plein de charme, nous reçoit tout tremblant quand nous tombons des cieux. Qui relevait mes pas quand je rampais à terre, forte de son sourire où s'arrêtaient mes pleurs? Sa bouche sur ma bouche, oh, qui me faisait taire! C'est ma mère, une mère avec un saint mystère, enveloppe nos cris dans ses chants ou ses fleurs. Qui soutenait ma tête et retenait ma vie, quand mon berceau brûlait de mes fièvres d'enfant? Qui promettait le monde à ma rêveuse envie? C'est ma mère, une mère à toute heure et suivie d'un ange à la main pleine, au rire au triomphant. Qui, lorsque l'insomnie ouvrait mes yeux dans l'ombre, me faisait des tableaux plus doux que le sommeil? Qui m'apprenait que Dieu veille la nuit dans l'ombre? C'est ma mère, une mère à des secrets sans nombre, pour délecter notre âme à l'heure du réveil, quand elle eut délié ma langue à la prière, qui battait la mesure à mes douces chansons, sur mon livre muet qui versa la lumière. C'est ma mère, une mère ouvre notre paupière, au feu de ses regards, moi j'ai lu mes leçons. Quand elle vieillira, Dieu, n'est-ce pas un rêve? Elle a dit qu'elle aura bientôt des cheveux blancs, qu'elle s'inclinera comme un jour qui s'achève. Cette mère, à son cœur nous prenons tant de sève. Dis que ce sera triste à voir ses pas tremblants. Si tu veux, nous irons où l'on trouve des roses, pour lier une fleur à chacun de ses jours. Nous irons dans un bois sombre et loin si tu l'oses, et nous la retiendrons par tant de belles choses, qu'à force d'être heureuse, elle vivra toujours.